Portrait d'assaut sur Fadjet. Un concert solidaire pour l'Ukraine, ce sera le dimanche 16 avril, salle Poirel à Nancy, un événement organisé par l'ALMC, Association Lorraine de Musique de Chambre. L'occasion bien d'accueillir Philippe Fosseux, bonjour. Bonjour. Et de présenter cette association. Donc vous êtes le président de cette association? Voilà, tout à fait. Je suis le président de l'ALMC depuis quelques années. Et l'ALMC, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une association qui est... C'est une vieille dame, on va dire, hein, puisqu'elle est née officiellement en 1947, donc c'est pas quand même jeune. Effectivement. Et en réalité, elle existait déjà depuis avant la guerre, depuis 1937-38. C'est une association qui a pour but de faire venir à Nancy des grands artistes, des grands musiciens, oui, qui ne passeraient pas naturellement à Nancy. On va dire que ceux qui sont les grands de ce domaine et qui se jouent à New York, à Londres, à Berlin, en Italie, à la Scala, ne pensent pas forcément à venir jouer salle Poirel. Donc, notre rôle, c'est de les convaincre de venir ici, oui, et d'avoir ces grands noms qui sont incontournables de la musique classique. On le sent bien d'ailleurs, puisque les jours où ces artistes viennent, la salle est comble. La salle est évidemment comble, parce qu'on ne les voit pas souvent ici. Voilà. Alors, on va revenir sur cette programmation et bien sûr sur votre actualité avec notamment ce concert le dimanche 16 avril. Parlons un peu de vous. Vous êtes président. Alors, vous n'êtes pas président depuis 1947, j'imagine. Non, je ne suis pas président depuis 47. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez... J'aurais été un peu jeune. Bah, c'est-à-dire, moi, je suis un passionné de musique. Mes parents étaient musiciens. Mes grands-parents, ouais, étaient musiciens. Mon grand-père était chef d'orchestre. Il a écrit la méthode Rose pour le piano. C'est atavique, on va dire. C'est en moi et j'adore la musique. Je la connais depuis mon plus jeune âge. Et il s'avère qu'après ma carrière professionnelle, que j'ai passée dans des domaines très différents, j'ai eu envie surtout de ne pas m'arrêter. Alors, dans la période des retraites, là, moi, je me suis arrêté à 64 ans, mais je n'avais pas envie du tout de m'arrêter. Donc, j'ai continué, ouais, avec une autre activité qui était celle qui était mon hobby habituel et mon grand plaisir. Et donc, je me suis retrouvé avec une association où j'ai d'abord été membre et où j'ai assisté aux concerts. Et petit à petit, eh bien, les choses se font. On vient plus ou moins demander aux gens, bon, ben, vous avez du temps, donc vous pouvez faire, et ainsi de suite. Vous voyez comment on peut être embringué dans une association à titre bénévole, bien évidemment. Et depuis lors, j'ai fait partie du bureau de la LMC, puis j'en ai été président, et je le suis actuellement, donc, pour la destinée de cette magnifique association. Donc, une association que vous avez commencé à connaître par les concerts qu'elle proposait, ou vous la connaissez? Oui, il y a une vingtaine d'années, plus de 20 ans que je suis membre de cette association qui, effectivement, propose chaque année au public nancéen et de la métropole en général, la grosse partie de la clientèle vient de la métropole, oui, de proposer donc 8 concerts chaque année, 8 concerts donc prestigieux. On va dire, on n'a jamais on n'a pas de spectacle amateur, quoi. On fait vraiment du spectacle professionnel. C'est assez difficile de les convaincre de venir à Nancy? Alors, pas du tout. C'est tout à fait extraordinaire, mais moi, je pensais que c'était une tâche très ardue, et non. Bien évidemment, il faut quand même s'y prendre un peu à l'avance. Mais ça n'est pas une tâche très ardue parce que quand un musicien, je prends le cas par exemple de Gauthier Capuçon qui vient souvent, le violoncelliste qui est bien connu de tout le monde, quand il vient jouer, il a plutôt l'habitude d'aller dans des salles de 2, 3, 4, 5 000 personnes. Quand il se trouve dans une salle de 800 personnes, l'ambiance n'est plus du tout la même. C'est beaucoup plus familial, beaucoup plus cocooné, c'est plus léger au niveau de la pression morale et mentale. Et ces musiciens-là aiment jouer chez nous. C'est pour ça qu'ils se le disent en plus. Notre saison de musique de chambre a été commentée un petit peu partout en France. Et les gens se disent, on a envie de venir jouer. Parce que c'est 8 dates hein, par année. Hein, c'est pas non plus beaucoup, beaucoup de dates. À 8 concerts c'est par an, j'imagine. 8 un tous les mois, dans la période de septembre à mai à peu près, qui est la période de logique. Après, il y a les vacances, les festivals, et les Nancéens s'en vont, ils font autre chose, donc c'est pas le moment de leur proposer des concerts permanents. Ils vont plutôt dans les festivals comme Nancy Phony qui existe ici, ou à des périodes particulières, le Nancy Jazz Pulsation, bien sûr, auquel on laisse la priorité. On n'a pas de concert quand il y a la NJP, bien sûr. Et vous l'imaginez comment, la programmation, alors Alors, vous imaginez longtemps à l'avance aussi? Ah oui, actuellement, je programme 25-26, vous voyez, c'est... 2025-2026. 2025-2026. Oui. Les deux années prochaines sont déjà programmées. Oui. Elles sont prêtes à... à epsilon près, je veux dire, le désistement de dernière minute ou l'artiste qui, et on peut le comprendre, on reçoit Alexandre Kantorov, on a reçu Alexandre Kantorov, le grand pianiste, très récemment. Quand on parle date de 25-26, c'est oui, alors c'est ok, je viens, mais je sais pas bien si la période sera bonne, parce que si jamais le Metropolitan de New York me dit il y a 8 jours à faire, je l'ai fait, bien évidemment. Oui. C'est à moi de m'adapter dans ce cas-là à la situation du moment et à proposer aux gens d'une part des dates qui leur conviennent et éventuellement un report. J'ai 220 pianistes qui attendent de venir jouer, donc vous voyez, c'est tout à fait ça, je ne plaisante pas. On a vraiment une liste d'attente de plus de 10 ans actuellement de pianistes qui voudraient venir jouer. Je ne pourrais pas tous les mettre du temps de mon vivant, vous voyez. Et le public est toujours présent. Et le public est toujours présent. C'est quel public ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément la musique de chambre, la musique classique ? Il y a les deux, on va dire. Oui. Nous, on a eu la chance d'avoir des abonnés. On a des abonnés fidèles qui achètent leur abonnement pour l'année et qui donc constituent la base du budget. Donc, il est plus facile pour nous d'être plus agressif et plus demandeur vis-à-vis des artistes, parce qu'on sait ce qu'on va pouvoir dépenser. Ça, c'est important, parce que nous ne sommes peu subventionnés. On a une subvention de la ville de Nancy qui nous permet du fonctionnement, mais au niveau de chaque concert, je me dois d'être parfaitement rentable. On ne peut pas perdre d'argent, même si de temps en temps on en perd, on se rattrape par ailleurs. Bon, mais cette démarche est extrêmement importante. Donc, il y a ce public avec les abonnés, il y a le public qui vient au cas par cas, parce qu'il a entendu un grand nom. Je citais Gauthier Capuçon, on a eu Martha Argerich, par exemple. Bon, il y a eu du monde qui est venu et qui n'est pas abonné, qui ne s'abonnera jamais, probablement. Et puis, il y a tout un public, effectivement, qui connaît pas bien la musique de chambre et qui en a un petit peu peur. Musique de chambre, ça fait peur. C'est quoi ce truc-là? C'est un truc un peu ancien, alors que c'est pas tout, tout vrai. Il suffit de voir, par exemple, le concert qu'on va donner au mois de juin. C'est toujours de la musique de chambre parce qu'il y a deux pianos, mais derrière, il y a une forêt de percussions et on va jouer des choses très modernes comme le Gershwin, un américain à Paris, West Side Story, etc. Ouais. L'année prochaine, on va accueillir Sirba Octet, par exemple, qui est un ensemble yiddish absolument fantastique. Bon, c'est aussi de la musique de chambre. La musique de chambre, c'est quand on n'est pas beaucoup de musiciens ensemble. Voilà, c'est ça. C'est la musique qu'on peut faire dans une chambre. Donc, tout simplement, c'est un nom un peu désuet, hein, c'est évident. Mais du coup, ça reste quand même très accessible et ça reste ouvert à tout le monde. Ça reste hyper accessible, c'est ouvert à tout le monde. On a 10% de notre public sont des jeunes d'à partir de 14-15 ans, les conservatoires, les écoles de musique, les gens qui s'intéressent à la musique en général et qui viennent écouter la vedette qu'ils ont entendue à la radio. Cette année, vous avez déjà proposé le Carnaval des animaux, vous avez proposé Pierre et le loup, c'est oui, ça? Oui, alors on a aussi tout un côté ouvert à autre chose que les concerts habituels. Oui. On vous parliez du Carnaval des animaux. Alors, Carnaval des animaux, c'est un sens, c'est très connu, c'est de la musique très populaire. Mais on avait invité Alex Vizorek à venir lire le texte qu'il a écrit, qui est un texte humoristique à propos de la musique et des différentes parties de ça. Et ça a beaucoup, beaucoup plu. Et les gens sont venus. Et puis, on a toujours, tous les premiers ou deuxièmes dimanches, ça dépend de Saint-Nicolas, si Saint-Nicolas me laisse la place, deuxième dimanche, on va dire, plutôt la plupart du temps, juste avant Noël, en décembre, on a toujours un spectacle enfant, un spectacle musical dans lequel on fait connaître la musique aux enfants tout en leur faisant voir des images, en les amusant, en ayant un comédien qui parle ou qui raconte. On a reçu comme ça Elodie Fondacci qui est venue raconter Ma Merloi de Ravel. C'était fantastique parce que on sentait bien ce passage et cette communication entre elle et les enfants. On va bientôt parler de ce concert du 16 avril. Avant ça, au sein de l'association aussi, vous proposez donc des concerts. Vous êtes président, vous n'êtes pas tout seul, j'imagine. Alors, nous sommes trois, en fait. Nous avons un bureau de 3 personnes. À côté de moi, un vice-président trésorier qui s'occupe de la finance en général, payer les factures, les cachets, etc. Et puis, une chargée de communication qui fait un énorme travail sur Nancy et sur la région, avec les radios, avec la presse, qui nous permet de faire connaître nos activités. Et il y a un conseil derrière, c'est un conseil consultatif d'une 20aine de personnes adhérentes de l'association depuis un certain temps, qui nous aident à réfléchir sur le futur, sur les choses trappes, sur les réussites, sur ce qu'on pourrait faire, enfin tout un tas de choses qui fait que l'association reste très vivante. Effectivement, une preuve de cette vivacité, c'est ce prochain concert. Alors, on a parlé qu'il y avait 8 concerts dans l'année. Oui. Le dimanche 16 avril, c'est en plus. Alors, le dimanche 16 avril, c'est un concert exceptionnel qui est un concert hors abonnement, simplement parce que je suis bien sûr en contact avec beaucoup de gens du domaine de la musique. Et parmi ceux-là, quelques personnes font partie d'une association internationale qui s'appelle Music Chain for Ukraine, qui est une chaîne faite pour permettre aux musiciens qui sont exilés de continuer à jouer. C'est très difficile pour un musicien professionnel qui était dans son pays, qui a dû le quitter, qui se retrouve ici, qui n'est pas connu, qui n'a pas de... Quasiment, il est condamné à ne plus travailler. Mmh. Or, ces musiciens-là ont besoin de travailler, ne serait-ce que pour maintenir leur qualité d'instrumentiste. Voilà. La question s'est posée de savoir, et l'appel a été fait par Music Chain, en disant, est-ce que parmi les professionnels de ce métier, il y en a qui seraient capables de nous proposer un spectacle, un concert, de façon à faire vivre ces musiciens en les faisant jouer, mais aussi en faisant vivre le cœur de jeunes femmes qui a été constitué dans la région parisienne autour d'une chef de chœur ukrainienne, jeunes femmes ukrainiennes qui sont là et dont les maris sont au front. Donc, ces femmes qui sont isolées, abandonnées, même si elles sont accueillies. Il y avait hier une grande réunion à la mairie de Nancy avec tous les Ukrainiens et les gens impliqués dans le domaine de l'animation et de l'accueil autour de ça. On sent bien la difficulté qu'ont ces femmes à parler de leur pays. Le direct avec Lviv était fantastique parce que c'était un sentiment extraordinaire de leur part de voir le maire de Lviv leur parler, les féliciter de leur comportement et de leur engagement. C'était vraiment très, très, très chouette. Voilà, c'était dimanche 19 mars dernier dans les salons de l'Hôtel de Ville de Nancy. Et donc, ce concert va rassembler 23 chanteuses, un chœur de femmes. Donc. Alors, tout à fait, elles sont 26 depuis. 26. Non pas qu'il y ait eu des naissances, mais les trois supplémentaires, ce sont... parce qu'il faut, bien sûr, ce sont des femmes qui plus ou moins travaillent pour certaines, qui ont des enfants, etc. Il faut tout organiser. Donc, il y aura un chœur, effectivement, de 26 chanteuses ukrainiennes qui vont donner un ensemble de chants qui seront à la fois des chants folkloriques de leur musique locale et des chants religieux, parce que c'est aussi un élément très important de la musique des pays slaves, des pays de l'Est, on le sait bien. Ce chœur sera accompagné en partie par un ensemble musical de 4 musiciens qui s'appelle le Quatuor Bleu et Or. Et Or, oui. Bleu et Or. En référence au drapeau, bien évidemment. Bien sûr. Et ça n'est pas n'importe quel quatuor, d'ailleurs, puisqu'ils sont aujourd'hui en résidence à la Philharmonie de Paris. Ils ont été sélectionnés pour leur qualité musicale, et donc ils sont en résidence, et ils jouent régulièrement à la Philharmonie de Paris. Voilà. Donc ils seront là avec nous pour cette journée. Journée qui verra ce quatuor, d'ailleurs, interpréter une œuvre de Boris Liatoshinsky, que moi je ne connaissais pas, mais que certains m'ont dit connaître, qui est un compositeur ukrainien. Il est évident qu'on a bien compris qu'il s'agissait là d'un geste de solidarité, non seulement vis-à-vis de l'Ukraine, mais aussi vis-à-vis des musiciens. C'est un effort important et on espère qu'on aura salle pleine pour applaudir ces artistes. D'autant plus que la place est à 10 euros, donc elle est très très accessible. Et absolument, on l'a voulu absolument accessible de façon à ce que tout le monde puisse venir. Donc 10 euros, et la chose est aussi intéressante de noter qu'on a fait en sorte que, bien évidemment, les bénéfices étant reversés à l'association pour leur permettre d'organiser d'autres concerts ailleurs, on a fait en sorte qu'il y ait le moins de frais possible, et bien évidemment, ça nous a... Ils vont arriver le samedi soir, il y a 40 familles qui sont prêtes à les accueillir, qui vont les héberger, qui vont les nourrir le soir, et puis un certain nombre d'autres familles qui sont en train de préparer un buffet pour le lendemain à midi. Un autre élan de solidarité très important parce que c'est celui du quotidien. Donc ce concert, c'est le dimanche 16 avril, c'est à 15h30, salle Poirel à Nancy. Donc on le rappelle, c'est 10 euros pour la participation au bénéfice de l'association Music Chain for Ukraine, organisée donc par l'association Lorraine de Musique de Chambre. En collaboration avec la ville qui est notre partenaire dans cette opération. Donc ça c'est le 16 avril et bien sûr les autres concerts de la LMC programmés. Il y en a un le 27 mars notamment. Alors il y en a un le 27 mars, donc très beau concert avec 2 très grands artistes internationaux, un violoncelliste, Gary Hoffman, et un pianiste qui est en train de devenir très célèbre, qui est Nelson Gurner, qui est un protégé de Martha Argerich et qui est protégé entre guillemets, parce qu'il n'a pas besoin d'être protégé, il est très bon, mais disons un poulain de Martha Argerich. Et ils vont nous jouer des œuvres de Brahms et de Mendelssohn, et en deuxième partie, une extraordinaire œuvre qui est une sonate de Rachmaninoff, Sergei Rachmaninoff, pour le violoncelle et le piano. Très beau concert. Suivra ensuite le 15 mai. Le 15 mai, là, on aura François Dumont. Alors, c'est une François Dumont et l'Orchestre Lamoureux. L'Orchestre Lamoureux, c'est un grand orchestre parisien qui existe depuis un siècle au moins, lui, et qui a créé de très nombreuses œuvres de Ravel, de Debussy. Et là, on va jouer les deux concertos de Chopin dans la même soirée. En général, on joue un concerto de Chopin et quelques petits morceaux à côté. Et là, François Dumont a accepté de jouer les deux concertos de Chopin, l'un derrière l'autre, et on les jouera dans l'ordre de composition, de façon qui n'est pas l'ordre de numérotation, mais c'est comme ça dans la musique, on numérote d'une certaine manière et on peut très bien avoir le numéro 1 composé après le numéro 2. Il les jouera dans l'ordre chronologique, le premier composé en 1829. Ce sont des œuvres de jeunesse, hein, quand Chopin était amoureux d'une jeune cantatrice qu'il avait rencontrée à l'école de musique où il professait. Et le deuxième qu'il a composé quelques mois plus tard et qui est une œuvre tout à fait magnifique. Plein de beaux rendez-vous, il y en a d'autres après, bien sûr. Alors il y a celui du mois de juin avec le quatuor face à face, ses deux pianos et ses percussions. Alors à surtout pas manquer, là c'est vraiment un concert pour les jeunes et pour ceux qui le sont restés. Voilà. Et après, ma foi, alors après, bah, il y en aura d'autres. On va divulguer pour vos auditeurs le premier concert de la prochaine saison. C'est la première fois que je dis qui viendra. Et ce seront les Sœurs Labec qui vont venir jouer à deux pianos. Deux très grandes dames du piano qui viendront jouer au mois de septembre. Donc. Et le reste eh bien, sera publié et commenté ensuite. Voilà, vous avez déjà tout en tête, mais bien sûr, on vous suit sur les réseaux sociaux. On vous suit notamment sur le site almc.fr pour retrouver tout le programme. Tout à fait. Et puis, on vous donne rendez-vous aussi le 16 avril, notamment pour ce beau concert solidaire pour l'Ukraine, Salle Poirel. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.